Les sportives coréennes ont obtenu 2 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze dans les Jeux d'athlétisme ouverts de Taipei de Chine 2016. Les joueuses Kim Chol-sun et Kim Soni se sont classées premières à la course de haies 3000 mètres et 5000 mètres pour dames. Kim Chun-mi a obtenu les médailles d'argent et de bronze aux 5000 mètres et 1500 mètres pour dames, alors que Kim Soni la médaille d'argent en 1500 mètres pour dames.